voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie et je viens... Retire-toi, perfide, et ne me viens point amuser avec tes traîtresses paroles. C'est ainsi que vous recevez? Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie de trop simple Cléonte. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate. Allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Quoi? Tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais, quelle mouche les a piqués tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse.